Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants. Comme promis, chaque mardi du mois de juin, vous allez pouvoir découvrir l'histoire préférée d'un des membres de l'équipe. On commence aujourd'hui par celle de Thomas, le fruit du dragon. Bonne écoute. À Bourvalette, le village de Léa et Simon, l'excitation est à son comble. La grande foire itinérante s'y arrête pour une journée. L'occasion pour tout le monde de faire des affaires en or. Et pour Simon, de réaliser son rêve, trouver des graines exotiques pour faire pousser un jardin potager extraordinaire. Celui de tes parents ne te suffit pas ? Pas pour ouvrir nos horizons légumiers, on cuisine toujours la même chose. Et moi, Olibrius, j'ai tout ce qu'il faut pour satisfaire vos envies. Un homme, pâle comme un linge, les yeux si profondément cernés qu'on se demande s'il a jamais dormi, surgit devant les enfants. D'un geste théâtral, il leur dévoile un étal chargé de sachets de graines sur lesquels sont dessinés de drôles de symboles. Cherchez-vous quelque chose en particulier ? Tout ce qui ne pousse pas dans la vallée et qui pourrait s'accommoder en petits plats. J'ai l'assortiment idéal. Je m'y sais quoi ? Tenez, et voyez. Avec ces graines, vous ferez pousser un jardin garni de légumes incroyables. Il y a même l'incroyable fruit de feu. Qu'est-ce que c'est ? Le péché mignon des dragons, une rareté. Trop bien. Et tu crois que ça plaira à la gruffe ? La gruffe, vous dites ? Mais par mes cernes, alors vous seriez Léa et Simon. C'est bien nous. Quelle aubaine ! Enfin, je veux dire, quel honneur ! On n'a pas fait grand-chose, vous savez. Vous êtes les premiers à sympathiser avec les dragons. Tenez, je vous offre la boîte. Vraiment ? Oui, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des célébrités. Et puis, ce serait un honneur si Messire Lagruffe pouvait déguster le fruit de feu. D'ailleurs, pour accélérer les choses, voici un sac d'engrais de ma composition. Saupoudrez-le sur la terre après avoir planté vos graines. Elles pousseront plus vite que l'éclair. Merci, monsieur. Les enfants se ruent chez Simon récupérer bêches, binettes et plantoirs avant de foncer jusqu'à l'endroit idéal pour créer un potager discret, leur clairière secrète. Ils y retrouvent chaque jour la gruffe, leur ami dragon qui s'y pose alors qu'ils arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On jardine. T'es sérieux ? Oui, j'ai dégoté des graines à la foire. Il y a même une surprise, rien que pour toi. Une surprise ? Oh, j'adore les surprises. Je vais vous donner un coup de patte. Le trio s'active. La gruffe laboure de ses griffes un bout de la clairière, puis les enfants plantent et sèment en prenant soin de suivre les indications inscrites au dos des paquets. Il ne reste plus qu'à saupoudrer le tout d'engrais. Laisse-moi m'en charger. La gruffe prend son envol, le sac dans les pattes et fait pleuvoir de l'engrais sur le potager. Et voilà le travail. La terre se craquelle et se boursoufle. Léa et Simon chancellent, paniqués. La gruffe se précipite à leur rescousse pour les emporter avec lui, haut dans le ciel, juste avant que le sol n'explose en un feu d'artifice légumier qui recouvre toute la clairière. Wow ! Olibrius ne plaisantait pas quand il disait que ça pousserait plus vite que l'éclair. Regardez-moi ce paradis ! Je suis sûr qu'il abrite des merveilles. Restez sur vos gardes, on sait pas ce qu'il abrite. C'est juste un jardin. Qui a poussé en un clin d'œil. Et comme dit papa, la magie n'est pas toujours bénéfique. Les trois amis pénètrent dans la jungle légumière. Léa et la gruffe sont sur leur garde. Simon, lui, écarquille les yeux comme s'il était dans un magasin de jouets. Regardez ce massif de tournesol, les têtes nous suivent. Comment c'est possible ? C'est un jardin magique, Simon. Je me demande quel goût a leur huile. Tu ne devrais pas t'approcher si près. À mesure qu'ils s'avancent, les tournesols louchent sur Simon. Au moment où il se penche pour couper une des tiges, l'une des plantes le gifle si fort qu'elle l'envoie valdinguer dans un buisson voisin. Si tu nous avais écoutés... Eh oh, ça va, je vais bien. C'est le métier d'explorateur culinaire qui rentre. Ne bouge plus. Au secours. Les branches du buisson s'enroulent autour de Simon qui commence à étouffer. La gruffe, à trois, on tranche tout. Pas moi, hein. Trois. Une pluie de coups de griffes et d'épées s'abat sur la prison végétale qui recrache Simon comme un vulgaire noyau de cerise. Rien ne vaut l'apprentissage à la dure, pas vrai, hein? Très drôle. Je vais être plus prudent, promis. Sa promesse ne dure pas plus de 5 secondes. Dès qu'il pose les yeux sur une grappe de petits poivrons verts crépitants, il ne peut s'empêcher d'en prendre un. Il l'observe un instant, pétiller joyeusement dans le creux de sa main. Ça chatouille! Vous croyez que ça a quel goût? Aucune idée, mais tu devrais n'en prendre qu'un tout petit bout. Oh là, mais tu m'as pris pour un troll glouton ou quoi? Oh la vache! Oh, ça brûle! Oh, mon ventre! Une flamme! Tu as craché une flamme! Une flamèche, et heureusement parce que j'ai gagné un super mal de ventre! Tu te rends compte? Avec ce genre d'ingrédients, tes plats seront magiques! Enthousiasmé par cette idée, l'exploration se transforme en une incroyable récolte. Baies arc-en-ciel, lauriers scintillants, melons violets et autres légumes singuliers viennent garnir le sac de Simon. Alors qu'il s'apprête à partir, la gruffe s'arrête devant une longue tige blanche d'où jaillissent une dizaine de piments rouges biscornus et palpitants. Tu devrais voir ta tête. J'en ai l'eau à la bouche, rien qu'à les regarder. Ça doit être les fruits de feu dont nous a parlé Olibrius. Il paraît que c'est le péché mignon des dragons. Vous croyez que je peux les goûter? Je suis mal placé pour te dire non. Timidement, la gruffe en boulotte un. Puis il se laisse tenter par un autre, puis 10 autres. Alors qu'il décroche le dernier, une violente crampe d'estomac lui fait perdre l'équilibre. Je savais pas qu'un dragon pouvait faire une indigestion. C'est pas le moment, Simon. Il a l'air de souffrir le martyr. Qu'est-ce qui t'arrive, mon copain? La gruffe se redresse. Ses yeux brillent d'une lueur étrange. Le dragonnet déploie ses ailes et s'envole. Catastrophé, Simon ramasse le dernier fruit de feu. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. On s'est fait avoir par cet Olibrius. Viens, il faut le rattraper. Léa siffle. Un hennissement lointain lui répond. Un instant plus tard, Ablut, son fidèle poney, arrive au galop. Les enfants filent à travers la forêt et les plaines de la vallée, jusqu'à la chaîne de montagnes voisines. La gruffe finit par s'engouffrer dans un ravin rocailleux, au bout duquel se dessinent d'imposantes ruines, ensevelies sous une végétation foisonnante. Une tour intacte se dresse au milieu, unique vestige de la gloire passée des lieux. La gruffe se pose à son sommet, accueillie par un homme que Simon et Léa reconnaissent instantanément. C'est cet Olibrius de malheur? Alors les fruits de feu servent à envoûter les dragons? Comment on va le sauver? En donnant une bonne leçon à cet affreux. Mais on n'est que 2 enfants et c'est un jardinier magicien, avec un dragon. Pouah. Comme si ça allait nous arrêter. Léa avance d'un pas décidé. Mais alors qu'elle dépasse un mur couvert d'un épais manteau mousseux, un colosse végétal surgit et la saisit d'une main. Simon, mange le poivron, carbonise-nous ce truc! Oh là là, bonjour les crampes d'estomac! Le monstre s'embrase, libérant Léa, qui se réceptionne aussi souplement qu'un chat, avant de se précipiter vers Simon, qui se tord de douleur. Question prudence, tu repasseras. Désolé, ça va aller? Pas du tout, c'est comme si on m'essorait l'estomac. Mais on doit sauver la gruffe. Les deux amis s'enfoncent dans la jungle. Après quelques pas seulement, ils perdent la tour de vue. Commence alors à poindre en eux la désagréable impression d'être perdu. La peur décuple l'intensité des crampes d'estomac de Simon. C'est si atroce qu'il est obligé de se mordre les joues pour ne pas hurler de douleur. Tu n'es plus en état, Simon. On doit continuer. Le sol craque et s'effondre. Léa essaye de retenir Simon, mais il l'entraîne dans sa chute. Il glisse, roule et se cogne 100 fois avant d'atterrir dans un souterrain éclairé par de la mousse phosphorescente qui projette une lumière verdâtre. Où est-ce qu'on est ? Dans le sous-sol ancien ? Vrai labyrinthe ici ! Un gnome, affublé de bottes qui lui arrivent jusqu'aux genoux, d'une salopette marron et d'un chapeau de paille fatigué, se tient à quelques mètres d'eux. Comme s'il ne savait pas quelle réaction adopter, son visage passe de l'espoir à la crainte. On est venu sauver notre ami. Petit dragon, ami-vous ? Oui, tu pourrais nous aider à sortir d'ici ? Pourrais, mais Pookie a trop peur, ça, oui. Maître devenu vilain méchant veut conquérir toute la vallée. Pookie essayait de faire changer d'avis, mais Maître l'a grondé et chassé. Et Pookie caché ici maintenant. Pookie, tu saurais comment désenvoûter la gruffe ? Pookie, savoir ça, oui, sauf que potion trop pour lui, même avec ta bourrée. On va t'aider. Pookie entraîne les enfants dans les sous-sols, jusqu'au hall de la tour. Pendu au plafond, une caisse chargée de fioles. Pour l'atteindre, il tire une table sur laquelle il pose une chaise. Simon monte dessus. Léa grimpe sur les épaules de son ami, puis c'est au tour de Pookie d'escalader cette drôle d'échelle qui lui permet de saisir la précieuse potion. Va être coton faire avaler un dragon. J'ai gardé le dernier fruit de feu. Si on verse l'antidote dessus, ça devrait marcher, non ? Ça vaut le coup d'essayer. Discrètement, Pookie amène les enfants à travers les étages de la tour remplie de graines, de livres et d'expériences légumières farfelues. Après une longue ascension, ils arrivent au sommet de la tour. Ils y trouvent Olibrius en train d'arnacher des sacoches en cuir à la gruffe. Avec ça, tu sèmeras des horreurs végétales partout dans la vallée. Ensemble. Rien ni personne ne pourra nous résister. Ne criez pas victoire trop vite. Mais ce sont mes clients préférés. Vous m'avez ramené mon gnome de maison. Merci, il mérite une bonne correction pour s'être enfui. Vous ne lui ferez rien du tout. Et vous allez libérer la gruffe. Désolé, mais je ne peux pas briser mon envoûtement. Menteur ! Qui croire ? Un jardinier maléfique ou un gnome de maison ? Je crois que la réponse est dans mes mains. Cet idiot de dragonnet n'a pas mangé tous les fruits de feu ? Et non, et je crois bien qu'il ne veut faire qu'une bouchée de celui-là. Tu te crois malin, petit ? Je vais voir. Le visage déformé par la colère, Olibrius lance une graine. Des racines jaillissent et fondent sur les enfants. Vive comme l'éclair, Léa arrive à en trancher quelques-unes, ce qui laisse juste assez de temps à Simon pour lancer le fruit de feu. La gruffe le gobe avant de s'effondrer. Inerte. Vous avez tué mon dragon ? Vous allez le regretter ! C'est toi qui vas le regretter ! La gruffe prend une profonde inspiration, mais il n'a pas le temps de cracher sa flamme. Olibrius s'empresse de jeter une nouvelle graine qui explose dans une purée de pois jaunâtre. Vous le verrez ! La gruffe bat des ailes pour chasser la brume. Olibrius s'est volatilisé. Je crois bien qu'on s'est fait notre premier ennemi. La prochaine fois, il sera bien reçu. Pookie va devenir quoi ? Ça te dirait de m'aider avec mon jardin ? Ça oui, alors. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. N'hésitez pas non plus à parler des petites histoires à vos copines, à vos copains et pourquoi pas à votre maîtresse ou à votre maître pour occuper les temps calmes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.